Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer la journée Solidarité Logement. Il va y avoir plusieurs intervenants qui vont nous parler du travail de leur collectif d'aide au logement. Et aussi d'autres personnes qui vont nous parler des logements alternatifs. Donc je vous invite, ça y est, il pleut plus, vous pouvez venir sans être sous la bâche et sans vous retrouver trempé. Alors je vais annoncer un petit peu les collectifs qui vont venir parler aujourd'hui. Il y a l'association Cher, l'association Appui, la fondation Abbé Pierre, Passons-nous. Il y a des personnes de Nuit Debout Nantes qui vont venir nous parler d'un chez soi d'abord, le 115 du particulier, et puis voilà des personnes qui gèrent des squats. Et à 20h, on aura un concert. Donc on va commencer là. Donc le but de cette journée, c'est parce que à Nuit Debout et dans beaucoup d'autres endroits, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de logement, qui ne savent pas forcément comment faire. À la fois au niveau administratif et voilà le 115 du particulier qui arrive, c'est génial. Et donc l'idée de cette journée, c'est de consolider le réseau Solidarité Logement et de savoir ce qu'on peut mettre en place là-dessus. Donc je vais donner la parole à Clément qui va nous parler de l'association Cher et des actions qu'elle fait dans ce cadre-là. Donc bonjour à tous. Donc voilà. Donc je m'excuse d'abord. J'ai oublié de prendre Soleil avec moi en arrivant. J'ai oublié. Bon voilà. Désolé. Moi je me présente. Je suis un intervenant. Je fais partie de l'association Cher. Donc pour ceux qui nous connaissent pas, nous on est une association qui fait des maraudes en fait sur République. On en fait à peu près tous les dimanches. Donc les maraudes, ça consiste en gros à aller voir en gros les personnes de la rue, à prendre un café avec elles, discuter un peu avec elles et voir ce qu'on peut leur apporter sur le terrain. Et quand on discute autour de nous, qu'on dit qu'on fait des maraudes, les gens qui n'en font pas ou qui parlent pas beaucoup avec les sans-abri ont un peu des idées reçues sur les sans-abri. Enfin en gros ils s'imaginent qu'il y a des catégories de sans-abri, enfin voilà, que tous les sans-abri se ressemblent alors que c'est absolument faux. Enfin je veux dire ils ont tous des tempéraments différents, des parcours de vie différents qui les définissent en tant que personnes. Et leur situation de vie sont absolument pas comparables. En revanche, il y a un point commun entre toutes ces personnes. Il y a quelque chose qu'elles partagent, c'est que ces personnes, soit elles ne sont pas logées, soit elles sont très mal logées. Et au regard de notre activité, on a pu constater que c'est vraiment l'absence de logement qui met ces personnes dans une situation de détresse extrême. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a eu envie de venir à cette journée et ouvrir une réflexion justement sur le logement pour savoir si finalement l'importance qu'on accorde à cette problématique dans notre société aujourd'hui, est-ce qu'elle est réellement à la hauteur de l'impact que le logement a dans nos vies quotidiennes. Donc je vous propose de... Comment ça s'appelle ? De poursuivre cet exposé en trois parties. Donc dans une première partie, je pense que ça peut être intéressant de définir et d'essayer de comprendre finalement pourquoi le logement, ça occupe une place aussi importante dans la vie d'un individu. Dans une deuxième partie, je vous propose de faire un état des lieux sur ce qui se passe en France, enfin où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui dans la situation du logement et d'essayer de comprendre pourquoi. Et dans une troisième partie, donc la dernière partie, d'essayer de voir un peu quelles perspectives de lutte on pourrait défendre vis-à-vis de cette problématique-là. Donc, alors quand on parle du logement, aujourd'hui, tout le monde pense immédiatement à un abri pour se protéger de l'hostilité de son milieu. Alors, ça peut être pour se protéger du bruit, pour se protéger de l'insécurité, des aléas climatiques. Et c'est vrai, enfin, on a raison de penser à ça, parce qu'effectivement, le logement, c'est avant tout un abri. Mais c'est assez réducteur de considérer que cet aspect-là du logement, parce que le logement, ça englobe aussi une réalité assez complexe, je veux dire une réalité dans laquelle vont se construire des souvenirs, des expériences de vie, une vie de famille, enfin tout plein de choses en fait qui vont permettre à l'individu de se forger une identité et de s'émanciper dans la société. C'est pour ça que c'est fondamental aujourd'hui pour un individu d'avoir un logement entre guillemets sain, où il n'y a pas de... avec certaines conditions de salubrité et autres. En plus de ça, le logement, c'est aussi un point d'ancrage géographique dans la société. Donc ça permet à l'individu de s'intégrer à une vie de société. Puisque lorsqu'on s'installe dans un quartier, on a accès à un certain nombre de gammes de services, de possibilités de rencontres. Ça va déterminer à quels services d'éducation les jeunes vont avoir droit. Ça va aussi impacter l'emploi, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs qui, par exemple, aujourd'hui refusent des emplois parce que ces emplois-là leur imposeraient un déménagement ou des surcoûts de transport qu'ils ne peuvent pas se permettre en fonction de là où ils habitent. Enfin, donc, c'est aussi vraiment important d'envisager le logement de ce point de vue-là, que c'est un point d'ancrage géographique pour s'intégrer à la vie en société. Et donc, c'est pour ça que c'est pour toutes ces raisons. Pour ce que ça apporte à l'individu dans son émancipation personnelle et dans son intégration à la société, qu'aujourd'hui le logement, ça devrait être un droit inaliénable pour tous les individus, tels qu'ils soient. Ils devraient pouvoir se loger, ils devraient pouvoir tous se loger décemment et ne pas vivre dans la crainte permanente de perdre ce logement. Sauf que le problème, c'est que si on fait un petit état des lieux, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, on est très loin de pouvoir justement dire que le logement, c'est un droit inaliénable pour tous. Enfin, par exemple, si on regarde le rapport de l'association Abbé Pierre qui a été publié donc l'an dernier, en 2017, ils ont exposé que 12 millions de Français, donc c'est presque un cinquième de la population, sont touchés de près ou de loin par la crise du logement. Et parmi ces 12 millions de personnes, il y a 4 millions de mal logés ou de non logés. Enfin, c'est juste ahurissant. Donc alors après, on peut se demander pourquoi la cause la plus évidente de cette problématique, enfin, c'est le désengagement de l'État vis-à-vis de la construction de logements sociaux, selon moi. Parce que jusque dans les années 80, après la guerre, il y avait une certaine prospérité économique qui faisait que l'État avait une petite marge financière pour pouvoir se permettre d'investir dans des chantiers de grands ensembles. Alors quand on voit l'état des HLM aujourd'hui, on voit que malheureusement ça n'avait pas été conçu pour durer. Mais en tout cas à l'époque, ça permettait de tempérer un peu la pénurie de logements. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après la crise des chocs pétroliers, donc fin des années 70, début des années 80, l'État a progressivement arrêté de construire des logements sociaux. Et la construction de logements, en fait, de manière générale, ça a été laissé complètement aux aléas du marché. Et ça a été un gros problème parce que les capitalistes, quand ils investissent quelque part, c'est pas pour satisfaire un besoin ou pour répondre à une problématique qui concerne les gens. C'est pour... Exactement. C'est pour rechercher la rentabilité. Il faut que leur investissement soit solvable. Et pour des raisons assez... Enfin, le logement, c'est pas vraiment un investissement solvable. Enfin, c'est un investissement qui est assez massif, que ce soit en termes de main-d'œuvre ou de richesse à investir. Et il y a beaucoup de retard dans la construction lié aux imprévus climatiques, à ce qu'on découvre sur le terrain au fur et à mesure qu'on avance les chantiers. Enfin voilà, ce genre de choses. Et puis aussi avec la baisse du pouvoir d'achat des Français, ça fait que les locataires et les propriétaires vont avoir plus de difficultés à pouvoir obtenir un logement. Donc pour toutes ces raisons, c'est un marché qui est absolument pas rentable pour les capitalistes. Et de fait, il y a de moins en moins de logements qui sont construits. Enfin, c'est assez effarant quand on regarde. Dans les années 60, on était à peu près à 300 000 logements construits par an. Aujourd'hui, là, dans les années 2000, on est à 50 000 logements construits par an. Donc, c'est-à-dire que le nombre de logements construits, il a été divisé par 6. Et la population, en parallèle, elle a continué d'augmenter. Donc ça, fatalement, ça a fait exploser le prix des mètres carrés, enfin, notamment dans des grandes agglomérations comme Paris. Ça fait qu'on se retrouve avec des logements à des prix exorbitants. Enfin, c'est... c'est ça. Moi, j'ai une copine, par exemple, sur Paris... Elle a un petit studio, je m'abasse sur un studio, le truc il fait 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, elle paye 945 € par mois pour vivre dans son 12 mètres carrés. Enfin, ouais, c'est quand même assez. C'est assez éloquent. Et voilà, et donc ça se traduit par une explosion du mètre carré, ça a des conséquences sur les copropriétés. Enfin, il y a de plus en plus de copropriétés finalement qui se dégrade parce que les locataires et les propriétaires des logements ne peuvent pas investir parce que les charges en gros coûtent trop cher et donc du coup ils peuvent pas entretenir leur logement et puis voilà ça entraîne aussi il y a beaucoup de ménages du coup qui se surendettent pour pouvoir acheter, il y a des locataires qui peuvent pas payer leur loyer. Enfin aujourd'hui il y a presque 2 millions de familles qui sont dans des difficultés de paiement. Il y a 70 000 propriétaires par an en France qui se retrouvent qui peuvent plus payer leur crédit, donc qui se retrouvent à la rue. Enfin non, on a vraiment atteint une situation qui est plus que déplorable. Là, le bilan, là-dessus, il est sans appel. Donc du coup, après, on pourrait se demander que faire. On peut pas, parce que voilà, on voit que c'est la merde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tenter de se dire il faut compter sur l'État. L'État peut investir. Enfin voilà, mais quand on regarde, je sais pas, les deux derniers présidents, par exemple, qu'on a eu. On a d'abord eu Sarkozy qui disait qu'il voulait faire de la France un pays de propriétaires, qu'il voulait que les Français puissent avoir leur logement. Donc il a fait passer une série de lois, soi-disant pour aider les Français à obtenir un logement. Bon, dans les faits, ça n'a absolument pas aidé les travailleurs à acquérir un logement. En revanche, toutes les lois qui ont été faites par Sarkozy, en tout cas, ça a permis à des propriétaires qui étaient déjà bien installés, par exemple, de bénéficier d'aide fiscale, donc en payant moins d'impôts, par exemple, s'ils mettaient des logements en location, enfin ce genre de choses. Mais ça a clairement pas du tout été fait pour aider les travailleurs à obtenir un logement. Et sous Hollande, c'est pareil. Enfin, toutes les lois qui ont été faites, elles ont fait de la construction de logements un marché qui est un peu plus lucratif pour certaines entreprises, mais elles ont pas aidé les travailleurs à acquérir un logement. Hollande voulait aussi augmenter la construction de logements. Je sais plus combien il y a la vidéo au début de son quinquennat qui voulait construire de logements. Je crois qu'il voulait construire 500 000 logements par an, quelque chose comme ça. Je crois que dans sa campagne, c'est ce qu'il avait dit. Et bon, déjà, c'est quand même bien en dessous de ce dont on aurait réellement eu besoin. Et aujourd'hui, dans les faits, on n'est absolument pas 500 000 logements construits par an. Je sais pas combien on en. Enfin, il y a peut-être une petite hausse par rapport au début des années 2000, mais en tout cas, on n'en est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, sur quoi il faudrait compter si on peut pas compter sur eux? Moi, je pense qu'il faut compter sur nous, sur notre capacité, nous, à lutter et à nous bagarrer pour une société plus juste. Enfin, par exemple, dans les quartiers, je veux dire, les mieux placés pour s'opposer aux expulsions quand il y en a, c'est des gens comme nous, pour réquisitionner des logements vides, des logements vacants, ou même les bureaux, parce qu'en Ile-de-France, je crois qu'il y a 400 000 bureaux qui ne sont pas occupés, c'est-à-dire donc des bureaux qu'on a construits qui ne servent à rien. Et pendant ce temps-là, genre on a 300 000 SDF qui meurent par an parce qu'ils n'ont pas de logement. Enfin, donc voilà, on pourrait faire des réquisitions. Aussi, en France, pour un tiers de la population, le logement, c'est plus de la moitié du revenu qui est englouti par le coût du logement. Donc vis-à-vis de ça, les travailleurs, ils sont tout à fait légitimes à demander, à imposer une augmentation progressive des salaires avec une indexation sur l'inflation en prenant sur le profit des actionnaires. Ça, ils sont tout à fait en mesure de le faire. Maintenant, ce qu'il faut pour que ces revendications puissent voir le jour, qu'elles puissent s'imposer, il faut que ce soit fruit de mobilisation collective et de mobilisation consciente de l'ensemble des travailleurs. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait militer autour de nous pour pousser les travailleurs justement à se construire une organisation qui pourrait donner du corps et de l'ampleur à ces luttes, déjà à notre échelle nationale, et puis progressivement d'étendre ça à l'échelle internationale pour vraiment donner du corps à ces luttes. Et il faudrait que cette organisation se fixe comme objectif à long terme l'appropriation collective en fait des entreprises, des outils de production, pour que ces outils de production ne soient plus gérés dans un objectif de course à la rentabilité, mais que la production soit planifiée par nous tous pour gérer, pour répondre aux besoins réels et concrets de la population. Et ça, collectivement, je pense qu'on est tous en mesure de le faire. Il faut juste reprendre foi en nos luttes et d'engagement. Ce serait vital, par exemple, que la construction de logements soit planifiée selon les besoins. Ça éviterait, par exemple, de voir justement se construire des bureaux qui ne seront jamais occupés parce qu'ils ne servent à rien, alors qu'en parallèle, On a des gens qui meurent de froid ou sous la canicule hein, d'ailleurs parce qu'ils sont pas logés. Et puis au-delà du logement, comme je le disais, logement ça offre aussi c'est un point d'ancrage dans des quartiers qui offrent certaines gammes de services. Sauf qu'il y a des quartiers où justement ces services en matière d'éducation, de santé par exemple, sont complètement détruits parce que plus personne n'investit dedans. Et ça, c'est aussi une problématique qu'il faut prendre en compte en plus du logement. C'est autour de logement, qu'est-ce qu'on fait pour les populations qui vivent dans certains quartiers. Il y a des quartiers qui sont totalement laissés à l'abandon. Et voilà, et donc c'est sur ça que je voudrais conclure. Je pense que malgré l'importance que la problématique du logement a aujourd'hui, c'est pas une problématique qui a isolé en fait d'autres problématiques. Enfin, c'est un symptôme comme un autre du dysfonctionnement de notre société. Et je pense que c'est vraiment une remise en cause globale du fonctionnement de la société qu'il faut opérer, plutôt que d'essayer de s'attaquer problème par problème, enfin de prendre chaque problème isolément. Qu'il faut vraiment remettre en cause l'ensemble de la société. Et que ça, c'est à nous seuls, en fait, d'imposer ce changement et voilà, d'aller vers une autre société, une autre société plus juste. Voilà. Merci, on te remercie beaucoup de ces quelques mots-là. Bon, donc bonjour pour ceux qui passent par là ou ceux qui sont là. Maintenant, s'ouvre un débat pendant jusqu'à 17 heures sur les problèmes évoqués. Donc, le micro est à votre disposition, prenez-le. Oui, moi je voulais te demander si du coup tu as des solutions concrètes sur, par exemple, reprendre des logements vides, reprendre des logements inoccupés. Est-ce que tu connais déjà des choses qui ont fonctionné? Est-ce que vous le faites avec l'association CHER? Comment est-ce que vous faites des trucs là-dedans? Alors, des trucs qui ont fonctionné dans l'histoire de France, pas que de France d'ailleurs, oui. Enfin, à l'époque, par exemple, où bon, PC, quoi qu'on puisse dire sur ce parti, sur les orientations qu'il a eues, à l'époque où il était un peu plus joufflu dans les quartiers, il faisait ça. Hein, il allait s'opposer aux expulsions et puis ils allaient réquisitionner des logements vides pour les sans-abri. Aujourd'hui, aujourd'hui, je connais pas d'organisation qui le fasse. Mais enfin, aujourd'hui, dans les faits, ce serait difficile à mettre en œuvre. Parce que ce qu'ils faisaient à l'époque, qui pouvait se permettre de le faire, c'est que s'ils le faisaient et qu'après on leur tombait sur la gueule, il y allait avoir des mobilisations massives des travailleurs et autres pour se mobiliser, pour faire sortir, par exemple, que si jamais il y a des gens qui se font arrêter en forçant des portes et tout, justement pour réquisitionner des logements vides. Avant, il y avait des mobilisations qui faisaient que le gouvernement hésitait. Voilà, arrêter ces personnes-là. Aujourd'hui, on enfonce une porte pour loger des sans-abri, on se fait arrêter, il n'y a personne qui ça intéresse. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense que vraiment autour de nous, il faut. Bah, c'est pas une question de couilles, c'est vraiment une question d'organisation. À l'époque, il y avait des organisations, voilà, les travailleurs étaient organisés pour se mobiliser, pour se bagarrer collectivement. Et quand il y avait des actions individuelles comme ça qui étaient faites, ils ne se laissaient pas tomber, ils se serraient les coudes. Et c'est ça qui faisait leur force, et c'est ça qui faisait que des gouvernements ou les flics hésitaient à aller s'attaquer à eux. Aujourd'hui, on n'a plus cette organisation, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se bagarrer autour de nous pour redonner un peu cette conscience-là, cette conscience qui a été perdue au fil des années, pour justement pouvoir se donner la force de pouvoir refaire ce genre de choses, quoi. C'est dans ce sens-là que je milite. Après, CHER, on fait pas de réquisition de logement pour les raisons que j'ai évoquées, mais voilà. Moi, j'avais une autre question, un peu sur la solidarité entre les gens. C'est-à-dire que nous, on a pas mal de gens à Nuit Debout qui n'ont pas de logement, mais ils ont quand même le RSA, ils peuvent avoir l'APL. Donc l'APL, ça peut monter jusqu'à 300 euros. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de caution. Tu vois, ils peuvent pas avoir de caution. Par exemple, dans le logement privé, bon, tu peux trouver des trucs à 300 euros, peut-être pas à Paris, mais en banlieue, etc. Quoi, il y a des possibilités. Et ils n'ont pas de caution et ils n'ont pas l'avance, tu sais, donc de loyer en plus, etc. Et moi, je me demande, est-ce qu'il y a des collectifs qui existent, de deep share ou autre, qui organisent ce truc-là, c'est-à-dire des solidarités entre des gens ou des caisses, si tu veux. Est-ce qu'il existe des choses de type des caisses où on pourrait mettre de l'argent qui tournerait, parce que la personne, après, elle rembourserait, elle aurait les moyens de rembourser sur un an ou deux ans. Il faut mettre 1000 euros pour avoir le loyer d'avance, la caution, le machin, et il rembourse après 20 euros par mois ou 30 euros par mois pendant un certain temps. Et aussi d'avoir des cautions, tu vois, des gens qui puissent se porter garant. Bon, il y a des gens qui ont des moyens et qui pourraient dire je suis garant pour 300 euros, 400 euros s'il y a un problème. Et en fait, ma question, c'est parce qu'on y a pensé un peu à Nuit Debout, bon, c'est compliqué à organiser. Est-ce qu'il n'y a pas des associations qui pourraient faire ça comme Cher, pas, ou d'autres? Voilà. Alors, pour justement les problématiques liées, on va dire, à l'acquisition de logements, juste à ta droite, tu as un des représentants de l'association du DAN. Je ne sais pas si tu connais le DAN, le droit au logement. Et je pense que tu veux intervenir peut-être pour... Bon, alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je me présente, Momo, c'est de l'association Le DAN, le droit au logement. En même temps que je suis fidèle à la Nuit Debout, depuis l'année dernière. Bon, le problème des logements, là, malheureusement, il y a pas mal de familles qui ont un problème de logement. Il y a certaines personnes qui se trouvent à la rue. Donc nous, on a fait, si on retourne à 2015, on a fait le campement à la place de la République. On a commencé le 30 mars jusqu'au 26 avril, jour et nuit. On est parti le 26 avril, on est revenu le 30 juillet 2015, de 30 juillet jusqu'au 9 novembre 2015. On a reçu à avoir quelques logements en plus, là qui nous a promis 200 logements. Là, de l'année dernière jusqu'à maintenant, on avait 150 logements par le préfet, par la mairie. Bon, on revient à les actions qu'on fait. Le 7 janvier, à l'hôtel Dieu, il y a une thèse, le bâtiment vide. On est rentré à l'intérieur avec 70 SDF. Les SDF, il y a des familles qui sont en logement. Donc, jusqu'à maintenant, ils sont à l'intérieur, dans les hôtels. Le préfet de région, il nous a promis, jusqu'à la fin mars, à partir du 1er avril, ça se trouve là, dans les hôtels. Dimanche dernier, le 26 février, là derrière la chambre de commerce, il y avait un grand bâtiment qu'on a fait action. On est rentré à 14h jusqu'à 22h. Il y a des bureaux, 56 mètres carrés vides. Il y a des bureaux, 55 mètres carrés vides. Là, malheureusement, on n'a pas tenu à avoir que grand-chose. Là, il nous a promis, on a rendez-vous le 11 mars. J'espère que ça va donner quelque chose. Mais voilà. Par contre, là, nous, on ne lâche rien. Là, d'ailleurs, ça, on a fini la réunion. Pardon. Bon, là, aujourd'hui, on avait une réunion de 14h jusqu'à maintenant. Là, on a une manifestation demain. Ça démarre d'ici à 13h de Place de la République, sur Palais Royal. On a le 6 lundi à la Cité, à 9h du matin. On a notre action le mercredi 15 mars. On a notre le dimanche 19 mars. D'accord. Là, on ne bouge pas. On ne lâche rien. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Et je vous remercie beaucoup à tous. T'as écouté sa question ou pas? Ça, il est bon. Ah, d'accord. Bon, pour poser, évoquer, discuter. Donc c'est pour revenir sur ce que disait mon camarade sur la solidarité. Je trouve que c'est là-dessus que je pense qu'il faudrait appuyer. Donc je trouve les alternatives du DAL et de ce que vous faites avec l'association de Cher très bien, et justement il faut continuer et vraiment rien lâcher, là-dessus je suis d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas, nous ici, parce que là je vois on est quoi, peut-être une quinzaine, on a dans la quinzaine de personnes ici, on a peut-être 7 personnes qui ont un logement avec de la place chez eux pour héberger ponctuellement quelqu'un, est-ce qu'il serait pas possible et envisageable avec l'association de Cher et le DAL d'organiser un espèce de collectif solidaire d'hébergement ponctuel de gens chez les particuliers comme nous qui avons juste un peu de place mais pas forcément tout le temps. Moi je sais que voilà, j'ai par moment une chambre de libre chez moi, d'ailleurs elle a déjà servi pour quelques personnes de Nuit Debout, mais du coup elle peut pas servir de manière durable, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il y a d'autres personnes qui peuvent venir à la place et ainsi de suite. Et du coup, est-ce que vous avez imaginé justement un espèce de réseau de particuliers comme ça qui pourraient héberger des gens de manière ponctuelle? Alors, pour être honnête avec toi, non, c'est vrai qu'on n'y a jamais vraiment pensé, et que moi, l'idée me paraît intéressante. Du coup, j'en parlerai avec les autres membres de l'association pour voir ce qu'ils en pensent, pour voir si le projet les intéresse. Après, le problème du logement, comme je disais, c'est important de pouvoir s'abriter. Mais du coup, la plupart des sans-abri qu'on rencontre, ils nous disent que, notamment là, dans le coin à République, il y a beaucoup de centres qui offrent des chambres pour la nuit, et puis parfois qui s'occupent vraiment bien d'eux, au niveau que ce soit alimentaire ou même des soins. Mais ils me disaient que justement, ce qui leur posait souci, c'est que c'était à chaque fois pour l'urgence, pour une nuit, deux nuits, et que eux, ce qu'ils recherchaient, c'était de la stabilité, de manière permanente, quoi. Donc, mais ton idée est intéressante, je la proposerai quand même. Si tu fais un réseau d'entraide chaînée, au final, la durée, elle peut s'atteindre, en fait. Dans le sens où si on organise assez bien les choses et que chacun donne ses disponibilités avec l'adresse ou le contact à contacter pour telle plage de date, du coup, quelqu'un qui aurait besoin d'un logement pour 3 mois, il va pas être 3 mois au même endroit, mais il va être 3 mois chez des X personnes différentes qui vont faire la chaîne de solidarité pour l'héberger pendant 3 mois. Non, mais après, moi je trouve l'idée intéressante. Bah, du coup, j'en parlerai avec les autres membres de l'association pour voir si. Est-ce qu'on est assez joufflu pour pouvoir monter un réseau comme ça? Et si oui, comment on s'y prend? Et donc voilà, après, je sais pas, toi, tu veux répondre dessus ou... Non, juste pour s'il y en a quelqu'un qui l'a besoin. Pardon. Voilà, juste si vous me permettez d'ajouter un mot, s'il y a une personne, je ne suis pas là pour faire la publicité, non, rien de ça. Bon, s'il y a une personne qui l'intéresse, pour faire le dossier de DAL, c'est au 29 rue Drurulin, le métro qui de la Rapée. Qu'est-ce qu'il faut? Déjà, la demande est faite à la mairie, et plus quittance du loyer et les démarches. Donc les jours par maintenant, c'est lundi de 14h à 17h, le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 14h. Il y a des bénévoles là où il n'y a pas de problème. D'accord. Et merci beaucoup. Je remercie tous les deux. Maintenant, est-ce qu'on continue sur cette thématique de la mutualisation des forces et de la coopération, ou est-ce qu'on va sur d'autres pistes de discussion? Voilà. Bonjour, moi je voulais intervenir sur ce sujet de la copropriété, donc de la co-gérance, de la réhabilitation des gens, tout ça. Donc c'est vrai, aujourd'hui pour travailler il faudrait une adresse, tout ça. Moi mon travail il est dans la poche, et il est là dans la poche, mais je ne suis pas encore allé parce qu'il faut une adresse pour travailler. Tac. Si je me présente, je suis mathématicien, je suis... théoricien, ce que vous voulez, diplômé, tout ça. Mais pour travailler aujourd'hui, il faut avoir un style de vestimentaire qui est adapté. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller parler à des gens qui sont du travail, du monde du travail, en étant quelqu'un qui a matché dans 3/4 de temps dans la rue. qu'il a, ils donnent, il fait ses vagues. Voilà, c'est pas forcément ce qu'ils attendent de nous. Ils veulent toujours qu'on soit au top, représenter et tout, et être nous-mêmes. Mais bon, attends, il n'y a pas une chose qui va pas sans l'autre. Ça veut dire, si tu veux travailler, tac, il te faut une adresse. Hop, ça veut dire, il faut que tu sois déjà installé pour pouvoir aller le matin, aller te présenter au travail. Même s'ils travaillent, ils sont acceptés, c'est bon, ils ont vu le CV, ils ont bavé. Ils sont intéressés, voilà, ils sont intéressés. Mais bon, pour après travailler, c'est dans une entreprise et tout, pour parler des sujets concrets, réalisables, des projets et de développement d'un projet et tout ça, bah, il faut être déjà stable au niveau logement, tout ça. Ça veut dire arriver avec une tête de quelqu'un qui ressort de chez lui, pas quelqu'un qui vient d'un café là où il a passé plus de 4 heures à recharger un téléphone, tout ça. Ça, c'est des évidences, mais c'est pas des éventualités. Hein. C'est parce qu'éventuellement, si tu sors de chez toi le matin et tu vas au travail, tac, tu fais ta journée, hop, et tu passes à quelque chose, tu développes, tu crées, tu cherches, voilà, tu fais ton travail. Mais si tu commences ta journée par aller chercher un endroit où tu vas te poser pour recharger un téléphone et ensuite aller appeler, je sais pas, c'est des évidences, mais ça tue le temps et ça prend beaucoup de temps dans la journée, voire dans la semaine. Et après, quand on arrive devant quelqu'un qui nous attend pour le travail, même si on parle bien, là, ça, c'est pas trop, mais bon. Ouais, même si, voilà, c'est la rue, quoi. Voilà, tac. On la connaît comme elle est, hein. Elle nous connaît plus qu'on la connaît, mais de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Voilà. On fait les choses. Hop, colocation, bon. C'est bien, colocation, mais il faut connaître les gens. Tiens, tu peux pas arriver, bonjour madame, je vais être colocataire chez vous. Est-ce que vous avez une chambre pour moi? Bon, regarde de haut en bas, direct, tac. C'est quoi ce gars, tu vois? Bah, je sais pas, c'est physiquement, il faut que tu sois. Déjà quelqu'un qui est adapté à la possibilité d'être accueilli dans une phase ou dans un environnement qui correspond à la recherche de la personne qui accueille, en fait. C'est pas la personne qui cherche, c'est l'autre personne. C'est la personne qui accueille qui doit être, enfin, qui trouve déjà les points d'intérêt par rapport à la personne qui va arriver à faire une demande. Ça veut dire, moi j'arrive, je fais une demande, hein, mais c'est toi, en fait, qui cherche la correspondance, en fait, quelqu'un qui te correspond. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Ça veut dire, quand on part, c'est le départ, tac, le premier pas, c'est le plus important, le premier pas, et c'est le plus intéressant, peut-être dans moyen terme ou pas dans long terme. Enfin, premier pas, comme je dis, c'est le plus concret et c'est le plus difficile. Parce qu'en arrivant comme ça, je t'explique le monde, la planète entière, tu t'en fous. Tu me vois comme je suis habillé et voilà, si ça t'intéresse ou pas, tu vois. C'est comme ça, tu vois, le monde est physique, c'est ça. C'est l'espace-temps, tout ça, c'est physique, c'est pas... Tu serais là en train de parler au téléphone, peut-être t'aurais accepté. Mais en direct comme ça, tu te dis, le gars, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. C'est un peu comme ça, tu vois. C'est un peu comme ça, tu vois. Ça Excuse-moi, du coup, je voulais savoir, en fait, tu te bases sur quel type de critères à mettre en avant chez le sans-abri pour que la personne qui veuille l'accueillir dise, bah tiens, toi, tu m'intéresses aussi bien parce que tu as des choses, on va dire, intéressantes à faire avec moi. Enfin, c'est ce que j'entends de ton discours, c'est que, au final, tu veux susciter l'intérêt de la personne qui accueille vers la personne qui a besoin d'un accueil. C'est ça que tu disais. Et du coup, justement, sur quels critères tu te bases pour que, du coup, on puisse faire un peu la carte de visite de la personne qui a besoin d'être accueillie, pour que, du coup, susciter l'intérêt de ceux qui peuvent accueillir. Qu'est-ce que tu mets en avant, en fait? Tu mets en avant la personne qui cherche un endroit ou la personne qui va l'accueillir, en fait? Ah, la personne qui cherche l'endroit, elle va se présenter, elle met en avant un CV direct. Elle présente, moi j'ai fait ça dans ma vie, et c'est ça ce qui s'est passé, et c'est ça qui m'a amené à être là aujourd'hui, voilà. Tu donnes un CV direct, tu te présentes comme un emploi, comme un truc, comme si tu vas être payé. Et c'est encore mieux, parce que c'est ça qui va te permettre d'aller travailler, à te payer. Donc ça là, c'est encore mieux. Mais bon, tu présentes tout, tu fais ton... ton ton parcours, comment t'as fait, tes études, voilà, après ton travail, après le problème qui est arrivé, on sait pas. Ouais, après le problème, franchement, on sait pas comment ça arrive, mais ça arrive. Un petit problème, et ça stimule comme une boule de neige, tac, et après, hop, tu te retrouves dans une situation compliquée où, pour te gérer, il faut que tu reprends des situations où tu prends des initiatives par rapport à ton parcours, par rapport à toi-même. Ça veut dire, même si tu as fait des études, ok, bon, tu as travaillé avec, tant mieux. Tu as fait ton cours, voilà, tu as fait ton sport, tu étais dans une équipe, tout ça. Il y a une situation où c'est compliqué, tac, tu perds tout. Tu peux tout perdre. Tu vois, genre tes études, bon, donc, je te vois comment tu es habillé, ça me dit rien, tes études. Travailler en tel endroit, tu avais des responsabilités. Bah, ils sont où, t'es responsable, mais ils veulent pas pleurer de toi. Tout ça vient d'un jour au lendemain, comme ça. On peut pas gérer, tu vois. Il arrive un truc, tac, quelque chose dans la vie, et hop, tout le monde prend le même. En fait, les évidences et les éventualités, comme je disais, les évidences surtout. Parce que les gens, ils sont là, ils sont chez eux tous. Ils se parlent au téléphone, bon ouais, l'autre il a fait si, hein, hop, après ça se cumule comme ça entre eux, ils te parlent pas, ils te posent pas la question, ils te disent ouais, est-ce que t'as fait ça, est-ce que comment ça s'est passé, comment. Non, ils s'en foutent pour toi en fait. Ils parlent entre eux, ils gèrent entre eux, ils prennent la décision entre eux, et c'est toi le responsable de ce qu'ils ont pris, tu vois, comme décision. Ça veut dire toi, tu encaisses, voilà, tu encaisses la décision des autres. Donc voilà, tu vois. Une question pour les représentants des associations présentes. Oui, bonjour. Je suis désolée, je ne connais pas trop ce milieu-là. Je suis désolée. Je suis là par hasard aussi. Et donc, je sais que j'ai des amis qui ont été dans des foyers. Donc, l'espace n'est pas grand. C'est vrai, on a des petites chambres. Mais bon, c'est un confort minimum pour un petit temps, quelques mois, ça va, quoi. Et donc, du coup, je voulais savoir... Oui. On vient de me dire qu'il y avait une limite d'âge, je n'étais pas au courant. Et donc, il faudrait voir justement dans ces foyers, voir à dépasser la limite d'âge pour que la personne qui soit dedans, voilà, par l'argent, c'est sûr, donc faire avoir avec eux, quoi, de rien payer le temps d'eux, la personne ensuite, il faut qu'elle trouve un boulot. Il y a du boulot partout, je suis désolée, il y en a du boulot. Vous avez l'air très intelligent. C'est vrai qu'on a beaucoup de barrières. Moi, j'ai pas de travail. Hein. Non, vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Je vais me débrouiller. Bah, je pense qu'il y a d'autres solutions à voir avec ces foyers pour améliorer et avec l'État. Mais l'État, ça c'est encore autre chose. Je crois qu'on avait là-bas. Tu veux sur le même sujet. Donc, d'abord de parler de toutes les situations, foyer, pas foyer, squat, ghetto, et tout ce qu'on peut mettre en bas, c'est grave, parce que la France, elle n'est pas arrêtée de faire l'expulsion. Donc la première chose pour faire un pass bien, c'est arrêter l'expulsion, parce que moi je suis contre l'expulsion, parce que pour dire, quand tu es en maison et tu expulses de la maison et tu restes dans la rue et tu te trouves pas rien, après c'est très dur et c'est contre les droits humanitaires, parce que même pas les chiens sont de la rue et nous on est comme on a pris la place des chiens. Et voilà, et c'est très dur la vie de la rue. Et pour l'intervention de la messière là qu'elle a parlé, de les foyers, il y en a des associations pour les jeunes travailleurs, des foyers jeunes travailleurs. Mais sont limités finalement à 25 ans, comme ça, 25, 26. Donc moi j'ai 28, donc pour moi c'est pas possible. Et pour commencer à faire une nouvelle vie, le droit au logement, c'est la première chose. Et c'est très important, c'est très, très, très important. Merci. Bien, on aura une autre question et après toi, Steph. Bon, moi c'est pas une question que j'ai à poser, c'est un point de vue à donner. Je vous ai écouté et j'aimerais un peu élargir le débat. Le problème des sans-domicile, c'est quelque chose d'extrêmement important et sur lequel il faut se pencher. On a l'habitude de dire que nous vivons dans une jungle. Moi, je dirais plutôt une non-jungle. Car dans la jungle, tout le monde vit, tout le monde mange, tout le monde se niche, dort là où il doit dormir, etc. Donc c'est la loi de la nature, tout simplement. Et nous, nous sommes privés de ça. Pour se loger, pour se nourrir, pour les besoins les plus élémentaires de tout être humain, il faut de l'argent. Et puis l'argent, il faut le gagner. Et bien pour le gagner, il faut travailler. Et on travaille pour qui? Eh bien, pour ceux qui ont de l'argent. Le problème, il est très important. Il y a des droits fondamentaux qui sont complètement niés, qui nous déshumanisent, qui serait temps de remettre sur la table. Le droit à se loger, le droit à se nourrir, le droit à s'éduquer, le droit à la santé sont des droits, me semble-t-il, universels qu'on devrait ne pas avoir à sortir le moindre argent pour cela. Et on peut le faire. Ce qui en nous trouvons dans une société qui nous esclave, qui nous demande de nous auto-esclaver pour pouvoir vivre, survivre. Et pour les SDF, mon Dieu, ben eux sont tout en bas, tout au fond. Ils n'ont plus rien, plus d'argent, plus de toit. On dit sans domicile fixe. Le fixe, il est superflu. Sans domicile, sans abri, c'est bien mieux. Sans abri, un être humain ne peut pas vivre dans les intempéries. Depuis toujours, depuis la nuit des temps, il s'abrite. Aujourd'hui, il ne peut plus. Lorsqu'il s'abrite, on le chasse. Voilà. C'est ton avis. On va passer à... Toi pour réponse à la dame. Oui, oui. Ah bah c'était ta... D'accord. Alors, par contre, je réponds à la dame, mais pas de l'âge. Avant, on ne peut pas mettre un personne âgé à partir de 65 ans. Maintenant, il est passé au lit de 65 ans à 70 ans. D'accord ? On ne peut pas mettre dehors, sauf s'il y a une solution. Par contre, malheureusement, il y a beaucoup de cas. Il y a des problèmes de logement. Il y a des familles qui ont des problèmes de retard de loyer. Premièrement. Deuxièmement, il y a des propriétaires qui sont décédés. Les héritiers, ils veulent vendre. Donc, comme ils proposent une somme énorme, donc on ne peut pas. Donc, c'est pas facile. Deux autres aussi, pourtant qu'il y a des logements vides. Il y a des logements vides. Il y en a des appartements vides. Parce qu'on a vu plusieurs fois. Je reviens à ce que les actions qu'on fait dans Saint-Denis. Le 15 septembre 2015, à Saint-Denis, la tour Cara, 14 étages vides. 14 étages vides. Hein? Quand on voit 14 étages vides, les gens qui dorment dehors, c'est malheureux. Et je vous remercie beaucoup. Une autre intervention. Oui, du coup, je reviens un petit peu en arrière sur ce qui a été dit. C'était par rapport à trouver des colocations et trouver des logements alors qu'on a déjà un travail et qu'on a déjà donc un revenu. C'est toutes les représentations. Donc il y a déjà l'aspect administratif qui est assez difficile, plus toutes les représentations que les personnes peuvent avoir sur un style vestimentaire, sur une origine, une couleur de peau, etc. qui fait aussi que les personnes qui se retrouvent à la rue en général sont les mêmes personnes, parce que c'est des personnes qu'on considère comme ne répondant pas au code bienséant de la société, parlant différemment. C'est ceux qui sont du coup marginalisés par ces codes-là, en fait. Ils sont pas marginaux avant qu'on leur colle cette représentation qui va les marginaliser. Et donc, il y a un travail à faire au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect administratif, qui est justement de prendre en compte et de défaire toutes ces représentations et de considérer qu'en fait, justement, tout ce qui peut être différent ou voir qu'on ne comprend pas peut apparaître comme une richesse, quoi. Et notamment aussi, du coup, dans l'échange des colocations. On a une intervention qui va venir à 17h, donc on s'avance. Donc si vous devez intervenir, soyez un peu bref maintenant, et puis on continue. Qui veut parler sur les thèmes abordés? Toi. Moi, en fait, je reviens à ce que dit Gilbert, c'est que... c'est vrai qu'aujourd'hui, se loger, se nourrir, c'est des besoins universels, et je suis d'accord que sur pour la santé, l'éducation, on n'a pas payé ces choses-là, parce que c'est un besoin primaire. Et aujourd'hui, en fait, même par exemple, si vous travaillez aujourd'hui, même un travailleur peut se trouver à la rue du jour au lendemain, parce que premièrement, les loyers sont extrêmement chers déjà. Donc, moi, je dis très bien aussi, c'est faire par exemple, recadrer les loyers, ce qui a été essayé d'être fait, mais ce qui a été inutile. Donc, recadrer les loyers pour avoir des loyers plus bas, pour que tout le monde puisse se loger. Et après, oui, que par exemple, que mettre un laps de temps, c'est que, je sais pas moi, au bout de par exemple, une semaine ou deux semaines qu'un logement est inapte et inoccupé, ou des bureaux inoccupés, que ça revient à la collectivité, c'est-à-dire que ça revient à tout le monde, et que l'État n'a plus le droit de dire aucun mot. Et comme ça, ça pourra permettre aux sans-abri de pouvoir les loger sans avoir de problème. Et après ça, que aussi tout ce qui est administratif, qui est très lourd pour avoir un logement en France. Par exemple dans les HLM où il y a des listes d'attente énormes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se loger, qu'il n'y a pas assez de bâtiments. Déjà oui, construire plus de bâtiments, avoir des loyers moins forts. Et après je dirais même mieux, moi ce qui serait bien c'est qu'on paye pas de loyer pour pouvoir se loger. Voilà. On a encore une. Bonjour tout le monde. Par rapport au sujet des foyers de logement et aussi des aides de la vie, parce que je trouve que l'État, est très compliqué malheureusement, parce que on nous met soi-disant catégoriquement pour les SDF, on est comment vous expliquer une étiquette, un espèce de tatouage de mauvaise réputation. C'est loin d'être le cas. On est des hommes, des femmes, comme tout le monde. Si je m'aurais vu parler au micro que j'aurais été un SDF, vous me croyez pas, mais malheureusement c'est le cas. Il y a des certains SDF, entre guillemets, je précise toujours, qui ont des diplômes, dans mon cas, ou d'autres qui n'ont pas de diplôme, qui sont français ou étrangers, et qui n'ont pas de logement ou de foyer, ou s'ils n'ont pas de possibilité, ce n'est pas normal, parce que franchement, il y a des places, comme quelques personnes ont fait des témoignages, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'État n'arrive pas à donner un peu, entre guillemets, des secondes chances, parce que la rue, ce n'est pas donné à tout le monde. Excuse-moi du terme, moi je sais, malheureusement, je suis depuis 2012, j'en ai un peu ras la cabeça, pour être poli. Mais moi je parle en tant que moi et puis les autres gens de la rue, parce qu'on est, soi-disant, des fois on nous retrouve souvent tout seul, isolé. Mais il faut aussi nous comprendre, parce que, comment vous expliquer, il nous a des aides de la vie, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de la famille, des aides de la vie qui ont fait, comme on dit, préjudice. Alors, pour venir en conclusion, j'espère qu'en parmi l'État, les associations, etc., arriveront en sorte que les SDF soient plus SDF, mais des simples personnes comme tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que les personnes qui doivent intervenir après, c'est-à-dire l'association Appui, est-ce que cette association est présente et est-ce qu'elle peut venir pour prendre la parole? D'autres interventions sur la question du logement et des thèmes abordés? Oui. Moi, je voudrais dire, moi, je suis théoricien, donc moi quand je vois des problèmes, moi, j'ai les solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'étudie chaque problème pour trouver ses solutions. Mais je n'arrive pas à trouver des solutions à mes propres problèmes. Tac. Ça veut dire, c'est des problèmes qui viennent tout seul. C'est des problèmes de la vie et qui ne se résoutent pas tout seul. Ça veut dire, il faut les résoudre à plusieurs. Voilà, mais par exemple, là, on est en France, ben, il faut parler dans notre pays, même si vous voyez ce que vous voulez, mais bon, la France, notre pays, donc, le premier problème de la France, c'est, si on veut pas parler d'insécurité, on parle d'autres sécurités, on va parler de travail, d'emploi. Et deuxième problème, c'est logement. Donc moi pour le problème de logement, moi j'ai trouvé une solution. Donc c'est un projet à développer. J'ai travaillé dessus. J'ai travaillé pour le développer dans tous les termes, au niveau comment l'employer, il touche quelle personne, quel type de personnes ils vont sont intéressés, c'est qui les personnes à qui il s'adresse ce projet-là. Donc il y a tout le monde est intéressé, peut être intéressé et tout le monde est fait partie des gens visés par ce projet. Mais j'arrive pas à démarrer parce que moi-même je suis en problème de logement. Donc voilà, c'est ça. c'est simple. Ça veut dire, c'est un engrenage, ouais, comme vous dites. Ouais, ça veut dire la poule, l'œuf, c'est quoi qui vient en premier? Bah, on sait pas. Bah, dans le doute, on mange les deux. Moi, je dis. Bah, mais bon, ça c'est des théories, mais bon, c'est ça, si ça passe aux pratiques, ça va résoudre un problème national, voire plus. Et malheureusement, bah, pour réaliser un projet, et bah, il faut être bien entouré avec des gens de confiance. Parce que dans le passé, j'ai parlé d'un projet, il s'est réalisé, c'était un site internet, il a rentré des millions et j'ai pas touché. Donc voilà, tac. Moi, après, j'ai pas couru après leur dire, ouais, c'est mon projet, voilà, on a parlé l'autre année, on était là, on a parlé et tout. Après, vous l'avez réalisé. Lequel? Celui que je vais faire ou celui que j'aurais dû faire et ils l'ont fait à ma place. Donc c'est la méthode, c'est l'algorithme. Ça veut dire l'algorithme. Ça veut dire le principe de trouver la solution la plus adaptée à un problème ou une situation par rapport à tous les thèmes et tous les angles de vue qu'on peut croiser. Ça veut dire quand on réfléchit à quelque chose, on réfléchit à tous ceux qui réfléchissent en même temps et tous ceux qui peuvent avoir comme situation et avoir. Ça veut dire au lieu de proposer une solution, on en propose 50 et chaque solution elle a plusieurs thèmes. Ça veut dire niveau culturel, niveau historique, niveau finance, niveau économie, niveau artistique, niveau loisirs, sport, tout ça, culte, scientifique. Pour faire, c'est ça en fait une théorie. Ça veut dire quand on avance d'un pas, on avance avec tout ce qui est autour de nous et tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on avance, ce qu'on a fait. Voilà, ça veut dire le problème, mais il doit être complet. C'est pas comme on fait par exemple pour les gens verts, c'est les bio. C'est ça, les bio, ça veut dire ils disent ouais, il faut prendre des cartons, quand vous dites, on peut le conjuguer, mais bon, non, l'objet, cet exemple-là sur la biologie, c'est juste les gens qui veulent qu'on utilise des cartons, au lieu du plastique, sachant que le carton il vient de l'arbre, on le coupe. Ça, il a 700 ans, il a 7000 ans, on le coupe quand même pour faire du papier, enfin qu'il finisse dans un sachet utilisé et jeté, et peu qu'il soit dégradable ensuite. Et on a dégradé un arbre qui a 7000 ans, mais on s'en fout. Bah, le plastique, pour moi, c'est chimique, c'est vrai, ça va dans l'air, la fumée, tout ça. Mais pour moi, tout ça, c'est recyclable. La fumée, c'est recyclable. Ça veut dire, c'est CO2 ou d'autres matières. On sépare les molécules. Le O2, on le fait partir en air parce que c'est de l'oxygène. On le fait en bouteille, on fait ce qu'on veut, le C c'est le carbone par exemple, c'est soit du gaz, soit en matière solide, il peut pas être liquide. Et ben on fait du solide avec et on fabrique avec des choses peut-être qui servent à rien, je sais pas moi, des poteaux, des trucs, des objets qui n'ont pas aucun est-ce qu'ils sont pas précieux, qu'ils sont pas forcément quelque chose direct. Reviens au relogement, ouais, sur le logement. Alors, pour le logement, donc il y a deux étapes. Il y a le projet actuel, je suis porteur de ce projet tout seul, par rapport à une théorie mathématique. Et le problème, c'est le deuxième problème de la France qui est le logement, justement. Et comment l'adapter, comment le réaliser, comment le faire évoluer et que les gens profitent de ce lien en fait. C'est un lien entre les gens, les investisseurs et ainsi de suite. Mais j'ai pas envie de parler de ça comme ça parce que je suis en l'air, je suis dehors. Moi, je reviendrai dessus. Attendez, parce que là je vais vous parler de mon ancien projet immobilier. Ouais, je vais parler de mon ancien projet immobilier. C'est de la colocation intermédiaire et de la colocation à court terme chez les gens. Tu reviendras parler de ça. Voilà, ok. Le débat va continuer, tu vas pouvoir revenir reparler. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, donc tu pourras revenir. Pas de problème. Maintenant, on va chercher l'association Appui. Sarah, d'Appui, est-ce qu'elle est là? Sarah, êtes-vous là pour parler pour l'association Appui? Bon, bah écoutez, alors on va attendre Sarah quelques minutes. On continuera pour les interventions ou alors on fait un petit break. Voilà, un petit break. Tu as parlé tout à l'heure quand il y aura plus de monde, ça sert à rien. Ils sont... bon, on va faire de la musique. Faut que tu parles, voilà.